Piste 9. 10. A. 1. Je ne comprends pas. 2. Comment ça s'écrit ? 3. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît ? 4. Comment ça se prononce ? 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? 6. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?